Alors l'anglais, comme toutes les langues, est riche en expressions. Et dans cette dernière partie, nous allons apprendre certaines des plus courantes, ainsi que quelques nouvelles astuces qui vous aideront à enrichir votre English vocabulary à la manière de Michel Thomas. Alors avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler de prendre votre temps, de vous détendre et de vous mettre à l'aise. Nous allons introduire du vocabulaire nouveau et vous allez pouvoir le mettre en application et trouver d'autres mots par vous-même. Si vous avez des doutes sur quelque chose que Michel Thomas a introduit dans ses méthodes ou que nous avons vu dans cette méthode de vocabulaire, n'hésitez surtout pas à revoir le point en question. Alors, nous avons consacré l'essentiel de la deuxième partie de cette méthode au verbe. Donc, il est peut-être temps de voir d'autres aspects de la langue anglaise que vous avez également besoin de connaître. Alors, voyons. Comment traduit-on en anglais le, la et les? The. The, oui. Et comment traduit-on un ou une? A ou un. Right. Bien, alors comme vous le savez bien, on emploie a devant un nom quand on fait référence à quelque chose dont on n'a pas parlé auparavant. Par exemple, il y a un ordinateur sur mon bureau. There is a computer on my desk. Je n'ai pas parlé auparavant de cet ordinateur, donc vous ne savez rien de celui-ci. Même chose si je dis, par exemple, I have a job, j'ai un travail. Computer et job commencent par une consonne. Et donc, comme vous le savez, on emploie a, tandis que si un mot commence par une voyelle, alors il nous faut employer an, A-N. Donc, si l'équivalent en anglais de orange est tout simplement orange, ça s'écrit exactement comme en français. Comment dira-t-on est-ce que vous voudriez une orange? Would you like an orange? Would you like an orange? Et si le mot pour dire pomme est apple, A-P-P-L-E, comment dira-t-on non, je voudrais une pomme? No, I would like an apple. No. I would like an apple. Donc, an orange et an apple. Et quelle est la traduction de un parapluie? An umbrella. An umbrella. Et en italien? An Italian. An Italian, c'est ça. Tous ces mots, orange, apple, umbrella, italien, commence par une voyelle. A-E-I-O ou U. Mais attention, la prononciation et l'orthographe sont deux choses bien distinctes. A fortiori dans le cas de l'anglais, qui a la réputation, bien méritée d'ailleurs, d'être parfois surprenant à ce niveau-là. Ainsi, il y a des mots qui commencent effectivement par l'une de ces voyelles, mais qui seront cependant précédés de E et non an. Pourquoi? Eh bien, parce que leur voyelle initiale se prononce comme une consonne. Prenons un exemple. Si un Anglais se dit an Englishman et le mot pour européen est European avec le son U au début, ça s'écrit E majuscule UROPEAN, European, comment dira-t-on un Anglais est bien sûr un Européen? An Englishman is of course a European. An Englishman is of course a European. En effet, même si beaucoup d'anglais pensent le contraire. Donc, a European, le mot European commence bien par une voyelle, par un E, mais le son initial est celui d'une consonne, U. Donc, on emploie E et non an devant le mot. A European. Et on avait déjà vu dans la première partie la traduction du mot université, et c'est pratiquement le même mot en anglais, c'est-à-dire University. university. Oui, et donc une université, ça sera A university. a university, oui. Là encore, on emploie e et non an, car le son qui suit est celui d'une consonne, un U qui se prononce U, donc a university. Et de la même manière, sachant que l'équivalent du mot français uniforme est pratiquement identique en anglais, mais sans le E final, comment direz-vous un uniforme? A uniform. A uniform, oui. Bien, alors maintenant, je voudrais revenir sur l'un des emplois de l'article A, qui distingue l'anglais du français. Dans les parties précédentes, on a vu ensemble qu'en français, on dira « il était médecin », « je voulais devenir professeur », etc. Tandis qu'en anglais, on emploiera l'article « a » devant les noms de profession. Alors, comment dira-t-on « il était médecin, mais il voulait devenir acteur » ? He was a doctor, but he wanted to become an actor. He was a doctor, but he wanted to become an actor. Vous avez réussi à traduire la phrase sans problème ? Si c'est le cas, je suis heureux que vous ayez aussi bien assimilé ce que nous avions vu auparavant. Alors, si un ingénieur est an engineer, E-N-G-I-N-2-E-R, et notez bien la prononciation, hein, engineer, comment dira-t-on à l'université, at university, vous pouvez étudier pour devenir ingénieur? At university, you can study to become an engineer. At university, you can study to become an engineer. OK. Alors, le verbe utilisé en anglais, c'est to use, U-S-E, lequel vous fera bien sûr penser au verbe français user, qu'on emploie d'ailleurs dans ce sens dans des expressions comme user de la violence, to use violence. Et une personne qui utilise quelque chose, donc un utilisateur, c'est a user, U-S-E-R. Dans la première partie, on avait vu d'autres exemples de noms en ER dérivés de verbes, tels que player, qui vient du verbe to play. To play, of course. Ou bien teacher, qui vient de to teach. To teach, oui. Et donc, de la même manière, user vient de to use. Alors, user est employé dans une expression très utile en anglais, c'est user-friendly. Donc, user, suivi d'un tiret, puis friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, qui signifie quelque chose comme aimable pour l'utilisateur et qu'on traduit habituellement en français par convivial. Alors, comment dira-t-on « j'ai un ordinateur convivial » ? I have a user-friendly computer. I have a user-friendly computer. Donc, tous ces mots « user »,« university »,« European » commencent par le même son « u » qui ne correspond donc pas à un son de voyelle. Donc, dans ces cas-là, on emploie l'article « e », comme devant les noms qui commencent par une consonne.